Congolaises, Congolais, l'heure de l'avenir a sonné. Notre pays se développe, unissons nos efforts pour une paix durable dans l'amour du prochain, la compréhension et le respect mutuel. Ensemble, construisons notre bonheur. Consolidons l'unité, le travail et le progrès, socle de notre avenir. Oui, car nous sommes dans cette voie. Que Dieu bénisse le Congo. Alhamdoulilah, à la grâce de Dieu, nous sommes un peuple indivisible. Mama, va m'aigler. Come on!